4. Bonatevsky. Munich proposa à Pierre de se mettre à la tête de 3000 soldats de Holstein et de marcher sur Saint-Pétersbourg. Ce parti vigoureux l'effraya. Un autre conseilla de se réfugier dans la forteresse de Kronstadt. Il y consentit. Un officier général prit les devants pour aller annoncer le prince, mais lorsque celui-ci arriva avec toute sa suite, son envoyé était déjà prisonnier. « Au qui-vive de la sentinelle ?»« Moi, l'empereur, » répondit Pierre. « Il n'y a plus d'empereur, » répliqua le soldat. Pour confirmer cette réponse sinistre, la garnison toute armée bordait le rivage et saluait le yacht de l'empereur par le cri unanime de « Vive Catherine !» Le yacht continuant à s'approcher, l'amiral Thalésine menaça de le couler s'il ne s'éloigne pas. Pierre s'épouvante. « Sire, » lui dit son aide-de-camp, « mettez votre main dans la mienne et sautons à terre. Personne n'osera faire feu sur nous et Kronstadt sera encore à votre majesté. » Munich appuie ce généreux conseil, mais le déplorable Pierre, incapable de les entendre, court dans la chambre du yacht au milieu des femmes éperdues. On ne se donne pas même le temps de lever l'ancre. On coupe le câble et l'on s'éloigne à force de rames. Il avait encore des ressources. Il lui restait l'armée qui était en Poméranie, mais il ne prit conseil que de sa couardise et se retira au Resembourg dans l'espoir d'un raccommodement avec Catherine. Cependant, celle-ci mettait le temps à profit. Avec son intelligence des goûts populaires, le soir, elle était montée à cheval pour la seconde fois. Et l'épée nue à la main, une couronne de laurier sur le front, elle avait parcouru la ville à la tête des troupes. Partout, elle était acclamée. Le lendemain, un manifeste depuis longtemps préparé était répandu à profusion. Ce fut alors que Catherine reçut du souverain déchu une lettre où celui-ci reconnaissait ses torts et lui offrait le partage d'une puissance qu'elle possédait déjà tout entière. Elle ne daigna point y répondre. Pierre lui envoya son chambellan pour lui offrir une cession de l'Empire, ne demandant que la permission de se retirer avec sa maîtresse dans le Holstein. C'était une lâcheté inconcevable. Catherine lui fit répondre qu'il eut à se rendre sur le champ à Saint-Pétersbourg. Il obéit. Il vint chercher le châtiment dû à sa lâcheté. La population se souleva sur son passage pour lui prodiguer les railleries et les insultes les plus grossières. Sa maîtresse, ses amis furent enlevés outrageusement et insultés à ses côtés, et lui-même, qui pourrait le croire, lui-même dépouillé de ses ordres, de ses habits et nu-pieds, en chemise, resta quelque temps exposé aux dérisions d'une soldatesque effrénée. Il fut enfin renfermé sous surgarde. Il ne lui restait plus qu'à signer un acte d'abdication. Celui qu'on lui présenta était rédigé dans les termes les plus déshonorants. Il l'accepta. Le lendemain, Munich et le petit nombre de sujets qui lui étaient restés fidèles offrirent leur soumission à Catherine. Ils avaient fait leur devoir. Maintenant explique qui le pourra l'inconstance étrange des sentiments populaires. Le même peuple qui avait outragé Pierre sans pitié se mit soudain à le plaindre et à reprocher aux soldats leur trahison. Moscou, l'ancienne capitale, toujours jalouse de Saint-Pétersbourg, menaça de se soulever en faveur du tsar déchu et avili. Catherine vit se former une contre-révolution et résolut de la prévenir par un sacrifice sanglant. Alexis Orloff, dit l'historien que nous avons déjà cité, se rendit avec son frère dans la prison de Pierre, dans le château de Ropcha. Ils offrirent au prince de boire avec lui et la proposition fut acceptée. Il s'était muni d'un poison violent qu'il versèrent adroitement dans son verre au lieu d'eau-de-vie. Cependant, le prince, démêlant le crime dans les yeux des assassins ou dans le goût du breuvage, refusa de continuer de boire et demanda du lait à grands cris. Alors les deux scélérats appelèrent à leur aide Bonatovsky, qui y commandait le poste, et l'infortuné monarque fut étranglé. Plusieurs années après, on voyait encore, dans la chambre où il expira, un rideau qu'il avait déchiré en se débattant. Grégoire Orloff s'était retiré avant la consommation du meurtre. Lorsqu'il se fut assuré de la mort de Pierre, il courut emporter la nouvelle à Catherine. Il arriva pâle, effaré. Catherine le railla de son émotion et se retira avec lui, Panine et Razumovsky, pour tenir conseil. Il fut résolu que l'on ne rendrait public la mort de Pierre que le lendemain. 5. Catherine impératrice. Le lendemain, Catherine se fit annoncer la mort de Pierre III au moment où elle se mettait à table. Alors, feignant la surprise et la douleur, elle se leva, congédia ses courtisans et pendant plusieurs jours se condamna à la retraite. Anoukaz annonça au peuple que la volonté de Dieu avait rappelé Pierre de la vie et l'on publia qu'il avait succombé aux douleurs d'une colique hémorroïdale. Le corps fut exposé en public et la population qui l'avait hué et outragé à son arrivée à Doresembo accompagna son convoi funèbre avec un pieux recueillement. Puis vinrent les récompenses pour les serviteurs dévoués et les mesures de sûreté contre les séditieux qui refusaient de reconnaître Catherine II. Les cinq Orlov furent élevés à la dignité de comte du Saint-Empire. Grégoire devint en peu de jours chancelier, général-major, chevalier de l'ordre d'Alexandre Nevoki, lieutenant-colonel des gardes, grand maître de l'artillerie, prince enfin. Il ne lui manquait que la couronne impériale. Il y pensa. C'est ainsi que fut inauguré un grand règne, auquel ne manquèrent ni les succès politiques, ni la gloire militaire, ni les bienfaits d'un gouvernement ami du progrès qui favorisa les sciences, les arts, les lettres et l'industrie. Nous ne pouvons donner ici, même en la résumant, l'histoire politique du règne de Catherine la Grande, et cependant, en n'en racontant que les scènes galantes ou les drames intimes, nous craignons de donner de cette impératrice l'idée la plus complète et la plus fausse. Pierre III n'était point un personnage très intéressant, ni un monarque très remarquable. Cependant, sa mort projette une ombre des plus noires sur Catherine. Avant d'aller plus loin, nous croyons juste de placer sous les yeux du lecteur le portrait que trace d'elle M. de Ségur. Malgré ses vices, malgré son implacable ambition, tout n'était point haïssable en elle, et d'éminentes et rares qualités rachètent la légèreté de ses mœurs. Voici comment la peint M. de Ségur, ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg. Catherine était majestueuse en public, bonne et même familière en société. Sa gravité conservait de l'enjouement, sa gaieté de la décence. Avec une âme élevée, elle ne montrait qu'une imagination médiocre. Sa conversation même semblait peu brillante, hors les cas très rares où elle se laissait aller à parler d'histoire et de politique. Alors son caractère donnait de l'éclat à ses paroles. C'était une reine imposante et une particulière aimable. La majesté de son front et le port de sa tête, ainsi que la fierté de son regard et la dignité de son maintien, paraissaient grandir sa taille naturellement peu élevée. Elle avait le nez aquilin, la bouche gracieuse, les yeux bleus et les sourcils noirs, un regard très doux, quand elle le voulait, et un sourire attaquant. Pour déguiser l'embonpoint que l'âge qui efface toutes les grâces avait amené, elle portait une robe ample avec de larges manches, habillement presque semblable à l'habit moscovite. La blancheur et l'éclat de son teint furent les attraits qu'elle conserva le plus longtemps. Et voici comment était réglée sa vie ordinaire. Elle ne soupait jamais et se levait à 6 heures du matin. Elle faisait elle-même son feu. Elle travaillait d'abord avec son lieutenant de police et ensuite avec ses ministres. Trop entraînée par d'autres penchants, elle avait au moins la vertu de la sobriété. Rarement à sa table, servie comme celle d'un particulier, on voyait plus de 8 convives. Là, comme au dîner de Frédéric II, l'étiquette était proscrite et la liberté permise. Philosophe par opinion, elle se montrait religieuse par politique. Jamais personne ne sut, avec une aussi inconcevable facilité, passer du plaisir aux affaires. Jamais on ne la vit entraînée par les uns au-delà de sa volonté ou de ses intérêts, ni absorbée par les autres au point d'en paraître moins aimable. Le génie de la souveraine et les séductions de la femme collaboraient souvent la même œuvre politique. Ce fut ainsi que, pour achever la perte de la nationalité polonaise, après la mort d'Auguste III, elle fit élever au trône un de ses favoris, Poniatowski. Devenu roi, celui-ci répugna à servir les intérêts de sa perfide alliée. Il chercha, par quelques sages mesures, à remédier aux maux de sa patrie, et comme le Ruy Blas de Victor Hugo, il oublia un instant l'origine de son pouvoir et le prit au sérieux. Mais Catherine paralysa tous ses efforts et lui rappela bientôt qu'il n'était qu'un esclave sur le trône, l'ancien favori de la grande duchesse. C'est à cette même époque, 1764, que se place l'assassinat du château de Schlüsselbourg, dont Catherine II fut accusée par plusieurs historiens. 6. Le drame de Schlüsselbourg et les cachots de la Neva. Avant de mourir, l'impératrice Anne avait laissé la régence à sa nièce, la duchesse de Brunswick, et par testament, transmis la couronne à Ivan, fils de la duchesse, à peine âgé d'un an. Élisabeth, ayant, par une conspiration dont nous avons dit plus haut quelques mots, renversé le gouvernement de la régence, et s'étant emparée de la duchesse de Brunswick et de son mari, les avait enfermés avec leur enfant au château de Schlüsselbourg en 1741. À son avènement au trône, Pierre III, en méditant de répudier Catherine, avait eu la pensée de l'enfermer à Schlüsselbourg et de nommer pour son héritier le jeune Ivan. Dans ce domaine, il était allé voir cet infortuné dans sa forteresse prison. Mais il paraît que ce dernier, frappé d'imbécilité par l'effet d'une longue captivité, ne pouvait répondre à ses vues. Vers 1764, des conspirations, sans cesse renaissantes, s'armaient du souvenir et les légendaires infortunes du prisonnier de Schlüsselbourg. Catherine en prit ombrage. Yvan était alors dans sa 24e année. Il était orphelin et vivait dans un isolement profond. Une figure noble et touchante, une taille élevée, une douceur inexprimable dans le son de la voix et dans les manières, tout ce que la nature avait pu ajouter à une grande infortune pour exciter l'intérêt, attendrissait les cœurs les plus insensibles à l'aspect d'Yvan. La faiblesse de son intelligence n'avait rien d'étonnant, puisque ce malheureux n'avait jamais connu d'autre monde que sa prison, d'autre espèce humaine que ses geôliers. Encore cela n'est-il pas prouvé. Si c'est une raison que l'on a imaginée pour affaiblir l'horreur du crime qui lui ôta la vie, cette raison est détestable. Un scélérat, nommé Mirovitch, s'offrit, dit-on, à servir les secrets desseins que l'on prêtait à Catherine. Rabe, d'après Castera, l'auteur des Mémoires secrets, raconte ainsi cette machination atroce. On promit à Mirovitch tout ce qu'il voulut. Il devait tenter ou feindre un enlèvement du prince, et les officiers qui le gardaient, prévenus par un ordre signé de l'impératrice, devaient le tuer à la première tentative qui aurait lieu. Ce forfait fut ainsi exécuté. Les deux gardes, Vlafiev et Outchakaf, voyant que Mirovitch allait briser les portes de la prison, se jetèrent l'épée à la main sur le malheureux Yvan. Nu, en chemise, il se défendit pourtant avec une incroyable vigueur, mais enfin il tomba sous les coups de ces misérables. Alors ils ouvrirent la porte, et montrant à Mirovitch et à ses soldats le corps sanglant du prince, ils leur dirent « Voilà notre empereur ». Mirovitch, arrêté, parut devant ses juges avec un calme qui attestait sa crédulité insensée et ne fut détrompé qu'au moment où la hache, en faisant tomber sa tête, lui donna la mesure de la reconnaissance à laquelle doivent s'attendre les instruments des grands crimes de la part de ceux qui les ont commandés. Cette explication de la mort d'Yvan nous paraît romanesque et très contestable. Puisqu'il y avait à cette époque de fréquentes conspirations au nom de ce malheureux, ne peut-on croire que Mirovitch était un conspirateur? Rien ne prouve le contraire. Mais il est un autre acte de perfidie et de cruauté dont on peut, sans crainte d'injustice, faire remonter la responsabilité jusqu'à la souveraine. C'est un pendant de l'assassinat d'Yvan. Soyez en juge. L'impératrice Élisabeth s'était mariée secrètement à son grand veneur Alexis Rouzamavski. De ce mariage étaient nés trois enfants, le plus jeune était une fille, la princesse Tarakanov. Le prince Radzvil avait songé à l'épouser et à l'opposer à Catherine, mais il reconnut son erreur, et pour recouvrer ses biens que l'impératrice avait confisqués, se hâta de faire sa soumission et abandonna en Italie la princesse Tarakanov. Il n'eut pas la lâcheté de la ramener en Russie et de la livrer, ainsi qu'on lui avait proposé. Singulier scrupule. Après avoir médité d'exploiter l'origine de cet infortuné, après l'avoir abandonné pour rentrer dans ses biens, que n'allait-il jusqu'au bout? Que ne la livrait-il tout à fait? Alexis Orlov, l'Orlov du château de Ropcha, fut chargé de cette infâme mission. La fille d'Élisabeth habitait Rome. Alexis Orlov se rendit à Livourne et dépêcha à Rome des émissaires pour attirer à Livourne l'infortunée jeune fille, d'autant plus privée de défense qu'elle était assaillie par le besoin depuis le départ de Radzvil. Elle se livra avec toute la candeur de l'inexpérience et de la jeunesse aux brillantes espérances que lui offrait Alexis Orlov, et la déception fut aisée. Le dévouement d'Alexis s'était changé en amour, ce scélérat affectait pour elle la passion la plus tendre. Accueillie à Livourne comme une fille du sang impérial, comme une future souveraine, elle se vit un moment environnée d'une grandeur illusoire. Orlov lui parla de l'appui de la France et de l'Autriche, et lui persuada de l'accompagner en France. Un navire les attendait dans le port. Elle consentit à s'embarquer, mais à peine à bord, Orlov jeta le masque et changea brusquement d'attitude et de langage. Le navire arbora le pavillon russe. « Princesse, dit Orlov, vous êtes ici en Russie, vous êtes ma prisonnière. » Et il eut la barbarie de la faire descendre à fond de cale et chargée de fer. Puis le navire fit voile pour Saint-Pétersbourg, un voyage de 2 mois. Arrivée dans la capitale de Catherine, la fille d'Élisabeth fut jetée dans les cachots d'une forteresse et traitée de la manière la plus cruelle. Le cachot où elle expiait comme un crime sa naissance et sa crédulité était situé au bord de la Neva et plus bas que le lit de la rivière. 6 ans après, la Neva déborda, inonda le cachot et la délivra de la vie. La fortune des Orlov était à son apogée. Leur zèle et leur courage, car ils étaient courageux, avait contribué largement aux agrandissements de l'Empire et à l'affermissement du pouvoir de Catherine. Les Turcs avaient perdu la Crimée et étaient sur le point d'être rejetés de l'Europe. La Pologne était ruinée et menacée d'une prochaine dissolution. Grégoire Orloff laissa deviner le rêve qu'il caressait depuis longtemps, le partage d'une couronne qu'il avait tant contribué à assurer sur la tête de Catherine. Mais celle-ci prévint ses exigences et le chargea de traiter de la paix avec les plénipotentiaires turcs réunis à Foxani. Il partit à la satisfaction de toute la cour. Pacine devina une disgrâce et parvint à lui donner un successeur, Vassili Tchikov. 7. Les successeurs de Grégoire Orloff. À peine Orloff eut-il appris qu'un autre lui succédait dans la faveur de l'impératrice, qu'il abandonna les négociations et de la frontière turque accourut à Saint-Pétersbourg. Mais l'entrée de la capitale lui fut interdite. Il protesta. Catherine lui fit répondre qu'elle comptait toujours sur son dévouement et le considérait toujours comme un des plus fermes appuis de son trône, mais que pour des raisons qu'il devait connaître, il importait à la tranquillité de l'Empire qu'il s'éloignât pour quelque temps. Orloff se soumit et quitta la Russie. Il parcourut les divers états de l'Europe, étalant le plus grand faste dans ses voyages. Il parut à Paris avec un habit dont les boutons étaient de gros diamants. À Spa, il éclipsa le duc de Chartres, depuis le duc d'Orléans, et les autres princes qui s'y trouvaient. Sa partie effrayait les plus intrépides joueurs. Il rentra enfin, essaya de reconquérir tous les emplois qu'il avait été forcé d'abandonner. Il les retrouva tous, sauf un seul. Il parvint à renverser Vassili Tchikov, mais ne profita point de sa victoire et ne fit que préparer la place à un rival plus sérieux, Potiomkin, dont les écrivains français ont défiguré le nom en celui de Potemkin. Potiomkin ou Potemkin est, de tous ceux qui ont eu la faveur de Catherine, celui qui a le plus intimement associé son nom à celui de cette souveraine. Il régna 17 ans, de 1775 à 1792. Bien qu'il eût déjà passé la quarantaine, c'était, disent ses ennemis eux-mêmes, un des plus beaux hommes de la cour. Il ne régna point sans partage néanmoins, mais à beaucoup d'audace il joignait une habileté et une finesse non moins grandes. Connaissant l'inconstante ardeur de Catherine, il savait au besoin supporter des rivaux éphémères et employer dans sa charge l'habileté de Madame de Pompadour avec Louis XV. Il était d'usage à la cour de Russie, quand un favori en titre avait cessé de plaire, qu'il se retira et partit en voyage. Potemkin osa le premier enfreindre cet usage, et malgré l'ordre de l'impératrice, il resta à la cour lorsque Zabadovski eut attiré les regards de sa souveraine. À Zabadovski, il opposa un jeune servien nommé Zoritz, qui, simple officier de hussards, était venu à Pétersbourg pour lui demander de l'avancement et qui ne s'attendait pas à de si hautes et de si charmantes faveurs. Zoritz, joli garçon, n'avait pas l'étoffe d'un homme politique. D'une intelligence vulgaire et sans culture, il fatigua bientôt Catherine, qu'il remplaça par Korsakov, le même qui plus tard, sous Paul Ier, fut général dans la guerre avec la France. Il n'était que simple sergent aux gardes lorsque Catherine le distingua. Comme esprit, comme éducation, il n'était point supérieur à Zoritz, et en fidélité, il lui était inférieur. Il eut des liaisons avec la belle comtesse de Bruce, amie de Catherine. Celle-ci en eut l'épreuve et l'exila de Saint-Pétersbourg. À Korsakov succéda Lanskoï. Cette fois, Potemkin eut un rival dangereux. Lanskoï était un jeune secrétaire dont Catherine s'était plu à former l'intelligence et le cœur. Ce n'était plus un favori, c'était un amant. Il l'emportait sur tous les autres, par son esprit et par sa beauté. Jamais on ne vit des traits plus beaux, une figure d'une plus séduisante expression, une taille plus noble et plus élégante, un ensemble d'une si frappante perfection. Il mourut à la fleur de l'âge. Catherine parut inconsolable. Elle avait alors plus de 50 ans, mais était encore belle. On assure qu'en sortant de sa longue tristesse, dit Rabe, elle épousa secrètement Potemkin, ramené à lui par les tendres efforts qu'il avait faits pour l'arracher à son désespoir. À lui seul, il avait été permis de rompre la solitude à laquelle elle se voua pendant 3 mois dans le palais de Tsarskoe Selo. Quoi qu'il en soit, Potemkin ne se montra pas jaloux des droits d'époux, et dès ce moment, au contraire, il mit ouvertement au nombre de ses attributions celle d'intendant des plaisirs de l'impératrice. Son pouvoir n'en fut que plus étendu et plus assuré. D'ailleurs, il n'avait plus depuis longtemps le droit de se montrer jaloux. À l'armée qu'il commandait contre les Turcs, Potemkin avait un sérail composé de belles Amazones qui, disent les mémoires secrets de Castéra, se plaisait à visiter les champs de bataille et à examiner les vigoureuses nudités des Turcs étendus sur le dos, le cimeterre à la main et l'air encore menaçant, comme l'argan du Tasse le parut à la belle Herminée. L'auteur ajoute ce trait de mœurs. Après l'assaut d'Otchakov, on entassa sur le Liman, alors glacé, des piles de cadavres nus, qui restèrent jusqu'au dégel, et c'est autour de ces pyramides que les dames russes allaient se promener en traîneau pour admirer les beaux corps musulmans raidis par le froid. Potemkin dépensa 10 mois à la prise d'Otchakov, forteresse importante. Ce succès mit le comble à sa fortune, mais après d'autres victoires non moins éclatantes, il eut le chagrin de se voir remplacé par Repnin, qui, après la prise de Babada et la victoire de Motsim, conclut la paix. Accouru pour s'opposer à la signature du traité, il fut frappé d'apoplexie et expira en route dans les champs au pied d'un arbre. Il n'avait que 55 ans. Potemkin était plus célèbre qu'illustre, et il eut plus de bonheur qu'il n'en méritait. Cependant, il se croyait du génie et tirait de ses succès son orgueil insupportable. Un jour, s'entretenant avec des émigrés français qui avaient pris du service dans son armée, il eut l'imprudence de dire à l'un d'eux, le colonel Langeron, « Colonel, vos compatriotes sont des fous. Je n'aurai besoin que de mes palefreniers pour les mettre à la raison. » L'émigré indigné répondit fièrement, « Prince, je ne crois pas que vous puissiez y réussir avec toute votre armée. Voulez-vous donc, s'écria Potemkin, se levant avec colère, que je vous envoie en Sibérie ?» Il s'emportait souvent jusqu'à frapper ses officiers généraux. Sa brutalité était telle qu'on l'accusa même d'avoir maltraité l'impératrice. Sa fortune était immense. Après la campagne de Turquie, à son retour de Pétersbourg, Catherine lui avait donné un palais estimé 600 000 roubles, 3 millions environ, et un habit brodé en diamants de plus de 200 000 roubles. Son luxe était gigantesque. Sa table coûtait près de 4 000 francs par jour, ce qui vaut à plus de 8 000 francs de nos jours. Il lui fallait les mets les plus délicats et les fruits les plus rares, et chose étrange, il était aussi glouton que gourmet. Ainsi, à son déjeuner, il mangeait une oie entière, un aloyau ou un jambon, et buvait une prodigieuse quantité de vin et d'eau-de-vie de Dantzig. Il dînait ensuite avec la même voracité. Quand il donnait des fêtes, il faisait jeter de l'argent à la populace, mais au fond il était avare, ne payait jamais ses dettes et maltraitait ses créanciers. Lorsqu'on se présentait chez lui pour avoir de l'argent, il disait à Popov, son secrétaire intime, « Pourquoi ne paies-tu pas cet homme ?» Et par un léger signe, il lui faisait entendre la manière dont cet homme devait être traité. S'il ouvrait la main, Popov donnait l'argent. S'il la fermait, le créancier n'obtenait rien. Bien qu'il affectât un sans-gêne impertinent et du plus mauvais goût vis-à-vis des représentants des nations étrangères, bien qu'il eût en un mot l'insolence du parvenu, cependant, ministre, ambassadeur, connaissant son influence, lui faisait une cour assidue. La plupart des souverains le comblèrent de faveurs, de présents et de décorations. Comme il était habile et d'un absolu dévouement à sa souveraine, sa mort causa un vide. 8. Les derniers favoris, la fin du règne. Catherine II était vieille en 1793. Ce n'était plus la belle jeune femme que nous avons vue au commencement de ce récit, vêtue du costume d'officier des gardes, à cheval, l'épée nue à la main, une couronne de laurier sur le front, parcourant les rues à la clarté des torches, à travers la population enthousiasmée de Saint-Pétersbourg. Sur la fin de sa vie, Catherine était d'une grosseur presque difforme et d'une rougeur livide. Plusieurs des courtisans qui lui donnaient quelquefois des fêtes avaient établi des rampes tapissées chez eux au lieu d'escaliers pour qu'elle pût avec moins de fatigue monter dans les appartements. Dans cet état de délabrement et d'infirmité, parée et couronnée de diamants, mais promenant autour d'elle des regards éteints, et malgré les parfums exhalant une odeur de tombeau, la céleste autocratrice appelait encore les amours. Des favoris à 65 ans. Ses favoris de la dernière heure n'avaient pas de chance. Ombre jalouse de Poniatowski, de Grégoire Orlov, de Lanskoy, j'en passe, vous pouvez dormir en paix. Cette faveur dont vous aviez joui, Tsoritz, Radabowski, Potemkin, Korsakov, j'en passe, n'était plus désormais qu'une charge onéreuse. De la belle rose sauvage dont vous aviez respiré le parfum, il ne restait à vos successeurs que la graine, rouge et chauveuse. Ces pauvres gens se nommaient Platon Zubov, Valérien Zubov, frère du premier, et Pierre Soltikov. On cite encore un nommé Markov, mais il n'a droit qu'à une citation, une mention honorable, passons. Le favori en titre était Platon. Nicolas Soltikov et lui se partagèrent les affaires publiques et la cassette. C'est en compagnie de ces trois jeunes hommes que la vieille impératrice attendit que la mort la touchât au front de son aile invisible. Dans la matinée du 6 novembre 1796, après avoir pris du café et s'être entretenue gaiement avec ses femmes, elle passa dans son cabinet de travail. Un instant après, on entendit un grand cri, et les dames étant entrées, virent l'impératrice étendue, la face tournée contre le parquet. Elles la relevèrent, elle était morte. Elle avait été frappée d'apoplexie. Ainsi finit cette femme extraordinaire, dissolue de mœurs, cruelle autant qu'audacieuse et habile en politique, et d'un incontestable génie. On a souvent dit que les mœurs des souverains exerçaient sur la morale publique une profonde influence. Nous le croyons, sans toutefois prétendre que les mauvaises mœurs publiques doivent toujours être portées au compte des souverains. Malgré son énergique volonté, son aptitude au travail, son autocratie jalouse, il est évident que Catherine ne put empêcher ses favoris d'exercer la plus détestable influence. Tous se gorgeaient de richesses et tous entretinrent une multitude de parasites ruineux. Il était profondément immoral que la première place de l'Empire fût celle de favori, et que tous les hauts dignitaires du clergé, de la magistrature, de l'armée en fussent réduits à s'incliner non seulement devant un Orlov ou un Potemkin, mais un Tsoritz ou un Zubov. Ces désordres trouvèrent naturellement leur imitateur, ils furent à la mode. Presque toutes les dames de la cour eurent des favoris en titre. Ainsi, chez nous, la plupart des grands seigneurs et les dames de la cour suivirent l'exemple donné par le régent et sa fille, et la corruption du duc d'Orléans, qui lui aussi était un homme d'État, travailleur et intelligent, gagna Paris tout entier et la province comme une peste. Dans le cours de nos récits, nous en trouvons 100 exemples. Sous Catherine II, les mœurs de la Russie encore sauvage devinrent déplorables, surtout vers la fin du règne. Ce qui achève de prouver la dépravation, l'abrutissement, la confusion des mœurs sous le règne de Catherine II, dit l'auteur des Mémoires secrets, c'est la découverte que l'on fit, il y a quelques années à Moscou, d'une association connue sous le nom de Club Physique. C'était une espèce d'ordre surpassant en turpitude tout ce que l'on a raconté des institutions et des mystères les plus impudiques. Les hommes et les femmes se rassemblaient à certains jours pour se livrer pêle-mêle aux débauches les plus infâmes. Des maris faisaient admettre leurs femmes, des frères leurs sœurs. Ce que l'on exigeait des hommes, c'était de la vigueur et de la santé. Dans les femmes, de la beauté et de la jeunesse. Les récipiendaires n'étaient initiés qu'après avoir fourni leurs preuves. Les hommes recevaient les femmes et les femmes les hommes. À la Révolution française, la police eut des ordres de fureté et de dissoudre toute espèce de société mystérieuse. Et ce fut alors que l'on examina le club physique, dont les membres furent obligés de révéler les mystères. Comme des membres de l'un et de l'autre sexe appartenaient aux plus riches et aux plus puissantes familles, et qu'il n'était pas question de politique dans leurs assemblées, on se contenta de fermer et d'interdire cette loge scandaleuse. Un Anglais, le docteur Clark, dans une relation de voyage en Russie, entre au sujet de ce club dans des détails que nous n'oserions reproduire ici. Ce club, dit-il, en somme, paraît approcher beaucoup plus des sociétés de Tchatchki que tout ce que l'on connaît en Europe. De même que l'impératrice était imitée dans ses galanteries, on voyait aussi plusieurs dames de sa cour prétendre aux qualités viriles qu'elle possédait. Nous avons déjà parlé de la princesse d'Ashkov, qui prit une part si active au renversement de Pierre III. Cette dame, déjà élevée par Catherine au titre et aux fonctions de directeur de l'Académie des sciences et de président de l'Académie russe, sollicita longtemps l'impératrice de la nommer colonel des gardes, et l'auteur des mémoires prétend qu'elle eût mieux rempli cet emploi que la plupart de ceux qui l'exerçaient. Cette nomination n'eût pas été exceptionnelle. À l'exemple de Catherine Ière, qui montait à cheval et accompagnait Pierre Ier dans ses campagnes, plus d'une femme de général accompagnait son mari à l'armée, et plusieurs femmes furent nommées colonelles et en firent le service. Madame Méline, colonel du régiment de Tobolsk, commandait, dit-on, avec une hauteur vraiment martiale, recevait les rapports à sa toilette et faisait monter la garde, tandis que son mari bénévole s'occupait ailleurs. Les Suédois, ayant tenté une surprise, on la vit sortir de sa tente en uniforme, se mettre à la tête d'un bataillon et marcher à l'ennemi. Plusieurs autres femmes à la même époque faisaient partie de l'armée et faisaient la campagne contre les Turcs sous les ordres de Potemkin. Sans doute ces faits n'ont rien de blâmable, mais enfin, puisque les femmes tiennent de la nature ce grand privilège, qu'il ne peut leur être disputé de donner des hommes au monde, elles devraient ne pas ambitionner le soin de les détruire. Nous allons voir d'ailleurs dans le récit suivant un frappant exemple des erreurs, des folies auxquelles ses prétentions à la masculinité peut entraîner une femme. Nous voulons parler de la reine Christine de Suède.